Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant des Saguenayens de Chicoutimi et des Remparts de Québec du match de vendredi dernier. On a annoncé hier un surplus d'environ 12 000 $. C'est du moins ce que le président du hockey mineur, David Lamontagne, a mentionné sur les ondes de DanRadioSport.com. Dollars? J'ai pas exactement le montant total exact parce que je me dis, comme tu disais tantôt, il reste à tout démêler ça, mais environ, on a dépassé notre objectif. Ça devrait être au-dessus de 7 000 $ de profit. Okay. Plus, comme tu dis, avec notre entente avec la Caisse populaire, ben j'étais concurrence de 5 000, donc un 5 000 de la Caisse populaire. Mais c'est on peut appeler ça une réussite, là. Donc ça va nous donner en tout et partout, 12 000. Et dans un deuxième temps, David Lamontagne a mentionné que même si Normandin pourra obtenir un match, on va choisir davantage l'aréna qui peut contenir le plus de monde, question d'avoir plus d'argent pour le hockey mineur. Nous autres, on choisit l'aréna qui a le plus de capacité, dans le fond, pour avoir le plus de personnes. C'est pour ça qu'on a déplacé ça à l'Olbeau, puis... pour avoir le plus de monde possible dans l'aréna. C'est qu'on fasse ça à Dolbeau, à Normandin ou à Mistassini, l'argent va aux mêmes personnes. C'est les joueurs de hockey viennent de tout l'Axe Saint-Jean-Nord. Fait que dans le fond, l'argent va à la même place. Fait que, moi, je pense que c'est vraiment à Dolbeau qui a le plus de capacité de... Parlons de baseball maintenant. Les Voyageurs de Ville-Saguenay ont été éliminés hier ils ont perdu 10-0 contre les Diamants de Québec. L'instructeur-chef David Pouliot a mentionné après le match qu'il s'est accordé une période de réflexion afin de savoir s'il sera de retour comme gérant de l'équipe la saison prochaine. Maintenant, la Ligue de Balmoule de Robertval hier, c'était le dernier match et Garma a vaincu l'Intersport 7-6 pour l'emportant 4 matchs. Donc, les Garma sont les grands champions de la Ligue de Balmoule de Robertval. Maintenant, les Cougars de Chicoutimi au football vont commencer leur saison en fin de semaine. Ils vont jouer contre la formation des Gaillards de Jonquière. Hier, dans la section entrevue de DanRadioSport.com, on a parlé avec Nick Menacci. Et Nick Menacci mentionne dans un premier temps qu'il s'attend quand même à avoir une bonne équipe. Saison à la hauteur du talent qu'on a. Pour être franc, on a des très bons joueurs. Par contre, je ne mets aucune pression sur les épaules. Je n'en mets aucune sur mes joueurs. Je veux dire, on veut me faire porter le chapeau de premier ou deuxième de ma division. Ça, moi, j'embarque pas dans ces affaires-là. C'est juste de vouloir enlever sa propre pression puis l'envoyer sur l'autre. Moi, je rentre pas là-dedans parce que je pense que toutes les équipes de la division Nord-Est cette année vont être très balancées. Je veux dire, la personne qui va mettre les Janois d'Alma en dernier parce qu'ils sont pas beaucoup de joueurs, ben je veux dire, c'est quelqu'un qui connaît pas les Janois d'Alma puis qui a jamais été dans le milieu du football collégial. Je veux dire, Rimouski, ça va être une bonne équipe. Jonquière, ça va être une très bonne équipe. Je veux dire, je pense que ça va être une équipe, une ligue qui va être très balancée. Et dans un deuxième temps, Nick Menacci a mentionné que l'attaque sera le point fort de l'équipe. La force? Ma force, je pense qu'on va avoir une très bonne attaque. Okay. Je pense qu'au niveau de l'attaque, on va être très fort. On a des bons porteurs de ballon, vraiment des très, très bons porteurs de ballon. Un camp arrière qui est à maturité. Un camp arrière qui comprend très bien le système de mon nouveau coordinateur, Youssi Pierre. Donc, j'ai des menaces offensives très... très dangereuses, autant comme porteur de ballon. J'ai une ligne offensive qui va être à maturité. Avec plusieurs joueurs, un joueur de troisième année, un joueur de quatrième année. Donc, c'est certain que je m'attends à ce qu'offensivement, on aille une belle saison, là, vraiment. OK. Quand tu parles. Et défensivement, on ne sera pas piqué des verres non plus défensivement. Quand tu parles du cœur hier. Je vous invite donc à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, on a parlé avec Nick Menacci, l'instructeur-chef des Cougars de Chicoutimi. On a également parlé aussi avec Michel Lallemand, des voyageurs, ou plutôt du club de golf de Chibougamau. Et je me suis entretenu aussi avec David Lamontagne, le président du hockey mineur de l'endroit. Le sport local et régional à DanRadioSport.com, la référence du sport, on s'en occupe.